Chapitre 132e, L'homme et Dieu. Les heures, ces étranges sœurs qui se tiennent par la main, qui passent d'un vol si lent pour l'infortuné, si rapide pour l'homme heureux. Les heures s'abattirent silencieusement en repliant leurs ailes pesantes sur cette chambre pleine de soupirs et de sanglots. D'un côté la mort, de l'autre l'agonie. Au milieu, le désespoir, douloureux comme l'agonie, profond comme la mort. Balsamo n'avait plus proféré une seule parole depuis le cri qui avait déchiré sa gorge. Depuis cette foudroyante révélation qui avait abattu la féroce joie d'Altotas, Balsamo n'avait pas fait un mouvement. Quand au hideux vieillard, rejeté violemment dans la vie telle que Dieu l'a faite aux hommes, il semblait aussi dépaysé dans cet élément nouveau pour lui que l'aile oiseau atteint d'un grain de plomb et tombé du haut d'un nuage dans un lac, à la surface duquel il se débat, sans parvenir à enfler ses ailes. La stupéfaction de cette figure livide et bouleversée révélait l'incommensurable étendue de son désappointement. En effet, Altotas ne prenait plus même la peine de penser. Depuis que ses pensées avaient vu le but vers lequel elle se dirigeait et auquel elle croyait la solidité du roc s'évanouir comme une fumée. Son désespoir morne et silencieux avait quelque chose de l'hébétement. Pour un esprit peu accoutumé à mesurer le sien, ce silence eût peut-être été un indice de recherche. Pour Balsamo, qui du reste ne le regardait même pas, c'était l'agonie de la puissance, de la raison, de la vie. Altotas ne quittait pas du regard cette fiole brisée, image du néant, de ses espérances. On eût dit qu'il comptait ces 1000 débris qui avaient, en s'éparpillant, diminué sa vie d'autant de jours. On eût dit qu'il eût voulu pomper du regard cette liqueur précieuse répandue sur le parquet et qu'un instant, il avait cru l'immortalité. Parfois aussi, lorsque la douleur de cette désillusion était trop vive, le vieillard levait son œil terni sur Balsamo, puis de Balsamo, son regard passait au cadavre de Lorenza. Il ressemblait à leur assez brute, surprise au piège que le chasseur trouve le matin arrêté par la jambe et qu'il tourmente longtemps du pied sans leur faire tourner la tête, mais qui, s'il les pique de son couteau de chasse ou de la baïonnette de son fusil, lève obliquement leur œil sanglant, tout chargé de haine, de vengeance, de reproche et de surprise. Est-il possible, disait ce regard, encore si expressif dans son atonie, est-il croyable que tant de malheurs, que tant d'échecs viennent à moi, de la part d'un être aussi infime que cet homme que je vois là, agenouillé à 4 pas de moi, au pied d'un objet aussi vulgaire que cette femme morte? N'est-ce pas un bouleversement de la nature, un bouleversement de la science, un cataclysme de la raison, que l'élève si grossier d'abuser le maître si sublime? N'est-ce pas monstrueux, enfin, que le grain de poussière ait arrêté court la roue du char superbe et rapide dans son tout-puissant, dans son immortel essor? Quant à Balsamo brisé, anéanti, sans voix, sans mouvement, presque sans vie, nulle pensée humaine ne s'était encore fait jour à travers les sanglantes vapeurs de son cerveau. Lorenza, sa Lorenza, Lorenza, sa femme, son idole, cette créature doublement précieuse à titre d'ange et d'amante, Lorenza, c'est-à-dire le plaisir et la gloire, le présent et l'avenir, la force et la foi, Lorenza, c'est-à-dire tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il désirait, tout ce qu'il ambitionnait au monde, Lorenza était perdue pour lui à jamais. Il ne pleurait pas, il ne criait pas, il ne soupirait même pas. À peine avait-il le temps de s'étonner qu'un si épouvantable malheur eût fondu sur sa tête. Il ressemblait à ces infortunés que l'inondation saisit dans leur lit, au milieu des ténèbres, qui rêvent que l'eau les a gagnés, qui s'éveillent, qui ouvrent les yeux, et qui, voyant sur leur tête une vague mugissante, n'ont pas même le temps de pousser un grand cri en passant de la vie à la mort. Balsamo, pendant 3 heures, se crut englouti dans les plus profonds abîmes du tombeau. À travers son immense douleur, il prenait ce qui lui arrivait pour un de ces sinistres songes qui visitent les trépassés dans la nuit éternelle et silencieuse du sépulcre. Pour lui, plus d'Altotas, c'est-à-dire plus de haine, plus de vengeance. Pour lui, plus de Lorenza, c'est-à-dire plus de vie, plus d'amour. Le sommeil, la nuit, le néant. Voilà comment le temps s'écoule, lugubre, silencieux, infini. Dans cette chambre où le sang refroidissait, après avoir envoyé sa part de fécondité aux atomes qui la réclament. Tout à coup, Au milieu du silence et de la nuit, une sonnette sonna trois fois. Sans doute, Fritz savait que son maître était chez Altotas, car une sonnette tinta dans la chambre même. Mais il eut beau retentir trois fois avec un bruit insolemment étrange, le son s'évanouit dans l'espace. Balsamo ne leva point la tête. Au bout de quelques minutes, le même tintement, plus sonore, retentit une seconde fois, mais sans plus que la première, arrachait Balsamo à sa torpeur. Puis, à un intervalle mesuré, mais moins éloigné que celui qui avait séparé le premier tintement du second, la sonnette irritée fit une troisième fois jaillir dans la chambre un éclat multiple de son criard et impatient. Balsamo, sans tressaillir, souleva lentement son front et interrogea l'espace avec la froide solennité d'un mort qui sort de son tombeau. Ainsi dut regarder Lazare quand la voix du Christ l'appela trois fois. La sonnette ne cessait point de tinter. Son énergie, toujours croissante, éveilla enfin l'intelligence chez l'amant de Lorenza. Il détacha sa main de la main du cadavre. Toute la chaleur avait quitté son corps sans passer dans celui de Lorenza. « Une grande nouvelle ou un grand danger ?» se dit Balsamo, « pourvu que ce soit un grand danger. » Et il se leva tout à fait. « Mais pourquoi répondrai-je à cet appel » continua-t-il, sans s'apercevoir du lugubre effet de ses paroles sous cette voûte sombre, dans cette chambre funèbre. « Est-ce que désormais quelque chose peut m'intéresser ou m'effrayer en ce monde ?» La sonnette alors, comme pour lui répondre, heurta si brutalement ses flancs de bronze avec son battant d'airain, que le battant se détacha et tomba sur une cornue de verre, qui, brisée avec un bruit métallique, alla joncher le parquet de ses débris. Balsamo ne résista plus. Il était d'ailleurs important que nul, pas même Fritz, ne le vînt relancer où il était. Il marcha d'un pas tranquille vers le ressort, le poussa et alla se placer sur la trappe, qui descendit lentement, et le déposa au milieu de la chambre aux fourrures. En passant près du sofa, il effleura la mante qui était tombée des épaules de Lorenza, lorsque l'impitoyable vieillard, impassible comme la mort, l'avait enlevée entre ses deux bras. Le contact, plus vivant que Lorenza elle-même, imprima un frisson douloureux à Balsamo. Il prit l'écharpe et la baisa en étouffant ses cris avec l'écharpe même. Puis il alla ouvrir la porte de l'escalier. Sur les plus hautes marches, Fritz, tout pâle, tout haletant, Fritz tenant au flambeau d'une main et de l'autre le cordon de sonnette, que dans sa terreur et son impatience, il continuait d'agiter convulsivement, Fritz l'attendait. À la vue de son maître, il poussa un cri de satisfaction d'abord, puis un second cri de surprise et d'épouvante. Mais Balsamo, ignorant la cause de ce double cri, ne répondit que par une muette interrogation. Fritz ne dit rien. Mais il se hasarda, lui, si respectueux d'ordinaire, à prendre son maître par la main et à le conduire devant le grand miroir de Venise qui garnissait le dessus de la cheminée par laquelle on passait dans la chambre de Lorenza. « Oh, voyez, Excellence !» dit-il en lui indiquant sa propre image dans le cristal. Balsamo frémit. Puis un sourire, un de ces sourires qui sont fils d'une douleur infinie et inguérissable, un sourire mortel, passa sur ses lèvres. En effet, il avait compris l'épouvante de Fritz. Balsamo avait vieilli de 20 ans en une heure. Plus d'éclat dans les yeux, plus de sang sous la peau, une expression de stupeur et d'inintelligence répandue sur tous ses traits, une écume sanglante frangeant ses lèvres, une large tache de sang sur la batiste si blanche de sa chemise. Balsamo se regarda lui-même un instant sans pouvoir se reconnaître. Puis il plongea résolument ses yeux dans les yeux du personnage étrange que reflétait le miroir. « Oui, Fritz, oui, » dit-il, « tu as raison. » Puis remarquant l'air inquiet du fidèle serviteur, « Mais pourquoi m'appelais-tu donc ?» lui demanda-t-il. « Oh, maître, pour eux. »« Eux ? Oui. »« Eux, qui cela ?»« Excellence, » murmura Fritz en approchant sa bouche de l'oreille de Balsamo. « Eux, les 5 maîtres. » Balsamo tressaillit. « Tous ?» demanda-t-il. « Oui, tous. Et ils sont là, là. Seuls ? Non. Avec chacun un serviteur armé qui attend dans la cour. Ils sont venus ensemble ? Ensemble, oui, maître. Et ils s'impatientent. Voilà pourquoi j'ai sonné tant de fois, et si fort. » Balsamo, sans même cacher sous un pli de son jabot de dentelle la tache de sang, sans chercher à réparer le désordre de sa toilette, Balsamo se mit en marche et commença de descendre l'escalier après avoir demandé à Fritz si ses hôtes étaient installés dans le salon ou dans le grand cabinet. « Dans le salon, Excellence. » répondit Fritz en suivant son maître. Puis au bas de l'escalier, se hasardant à arrêter Balsamo. « Votre Excellence a-t-elle des ordres à me donner ?»« Aucun ordre, Fritz. »« Votre Excellence, » continua Fritz en balbutiant. « Eh bien ?» demanda Balsamo avec une douceur infinie. « Votre Excellence se rend-elle près d'eux sans armes ?»« Sans armes, oui. »« Même sans votre épée ?»« Et pourquoi prendrais-je mon épée, Fritz ?»« Mais je ne sais, » dit le fidèle serviteur en baissant les yeux. « Je pensais, je croyais, j'avais peur. »« C'est bien, retirez-vous, Fritz. » Fritz fit quelques pas pour obéir et revint. « N'avez-vous pas entendu ?» demanda Balsamo. « Excellence, je voulais vous dire que vos pistolets à deux coups sont dans le coffret d'ébène, sur le guériton doré. »« Allez, vous dis-je, » répondit Balsamo. Et il entra dans le salon.